À l'occasion de la Journée du Soleil, la délégation de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis, conduite par son président Yoon Gil-sung, est arrivée le 12 à Pyongyang par vol.